Je lève la moto, j'ai mon 10 dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a, poteau? De boule en boule, tu t'accroches. Quand je mets deux boules TDM, je suis dans un autre monde. Je préfère Audi par du cul BM quand je passe la seconde. Dans son dos tu faisais le mac, devant lui tu fais le mec. À la gratte ça vole une voiture, ça change la plaque, ça passe à l'acte. Arrête tes rumeurs, je bouffe pas de salade. Un 3-5 quand y'a pas de salope. Un Y on passe au catalan, et c'est commère, il nous catalogue. Drogue, charbon, pas de grand soldat. Brum brum brum, pas ton judoka. La police il m'appelle la mort, je suis rappeur, pas patron de réseau juste au cas où. Je l'avais dit, je vais tout niquer. Nique sa mère, celui qui a pas cru. Et je médite, je suis cheaté. J'enfume et j'ai juré, je vois plus. T'es chaud, ça va te refroidir. Ça veut te bouffer tout cru. Ça fait que m'imiter. Sur grand-père, ils vont dans l'abus. On me dit, Joule, ça tue. C'est pas le vaillant, là, t'as bu. Tu vois pas, t'es ridicule. Tu me casses les couilles, là, j'suis dans ma bulle. Elle fait la fumée, c'est le crapote. Tu vas la fourrer sur le capot. Elle veut pas t'aiser avec sa pote. Et sa pote te mène en bateau. Prends pas en photo ma wagon, on va te casser les fesses gros. Complète infériorité depuis tu prends la cesse, la testo. Ça fait 5 ans que tu es dans le game, depuis 2013 je pèse tout. Tu peux me croiser en Ferrari, en stunt ou même en Vespo. J'lève la moto, j'ai mon 10 dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a poteau, de boule en boule tu t'accroches. Oui, oui j'lève la moto, oui, oui j'lève la moto. Oui, oui j'lève la moto, oui, oui j'lève la moto. Charbon en gérance, moulin semi, j'fais un demi, j'vais un civil dans les ronces. Honda ATV, j'la protège, j'passe pas à la TV. Que ça pose des CV, mais malade y'a toujours pas d'RTV. Jeune escrapuleuse, sourbe lampe tueuse. Story fabuleuse, y'a des tueurs, des tueuses. Wesh mon poteau, lève pas les mains, on se connaît pas. Quand on fait pas, on ne se prend pas pour ce qu'on est pas. J'dors pas, je suis ambitieux. Je sais qu'ils m'aiment pas que c'est des vicieux. La confiance ça c'est précieux. Alors faut faire gaffe à ces messieurs. Et quoi qu'on dise, quand je freestyle j'traumatise. Disque d'or de platine, un diamant, je sais que la India tease. J'parle pas, j'analyse, j'm'énerve pas là, j'canalyse. La peine paralyse, j'suis toujours le même paralyse. Faut que j'investisse en parallèle, ça gratte, ça y va en 13 parallèles. J'ai changé tous les paramètres, depuis que j'envoie 4 albums par année. J'lève la moto, j'ai mon 10 dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a poteau, de boule en boule tu t'accroches. Oui, oui j'lève la moto. Oui, oui j'lève la moto. Oui, oui j'lève la moto. Oui, oui j'lève la moto. Et c'est que les jaloux ils bougent leur tête comme des coques. Ça veut charcler les francs pour fourrer, elle vira en coque. Trop de drogue dans le corps, tu peux même plus la mettre en cloque. Le témoin témoigne, tu peux plus nier devant le proc. Tu parti comme buté, y'avait pas un, il a tout mis dans le froc. Pas win dans la poche, faut faire gaffe, le petit escroc. C'est la crise au check, ça me connaît pas, ça me check. Obligé de faire le mec, j'm'embrouille avec les decks. Moi ça va impec, j'pose avec mon bête. Civil à l'étage, sur le béton en tête. Un peu d'effaujage, ça daille sur la quête. J'lève la moto, j'ai mon 10 dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a poteau, de boule en boule tu t'accroches. Oui, oui j'lève la moto. Oui, oui j'lève la moto. Oui, oui j'lève la moto. Oui, oui j'lève la moto. J'lève la moto, j'ai mon 10 dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a poteau, de boule en boule tu t'accroches. J'lève la moto, j'ai mon 10 dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a poteau, de boule en boule tu t'accroches. Oui, oui j'lève la moto. Oui, oui j'lève la moto. Oui, oui j'lève la moto. Oui, oui j'lève la moto. Oui, oui,